J'ai jamais eu beaucoup de rapports avec les gens de la classe dominante. J'ai eu plus de rapports avec la classe dominée. J'ai parlé avec des types que la guerre c'était dégueulasse. J'ai même dit, je ne me rappelle plus à quelle occasion, que normalement on n'avait rien à foutre dans ce pays. C'était à eux, c'était à un autre continent, c'était à un autre état, c'était à eux, puis c'est tout. Pourtant, je faisais partie des parachutistes, les SS. Ah oui, vous appelez les SS? Ah oui. Ah, il y avait quand même. C'est... Vous aviez une certaine image alors, vis-à-vis de Ah, mais ça a toujours été dit, de ton père, il doit le savoir d'ailleurs. Ton père, dans le Parti communiste, on nous a toujours traités comme des SS. Je te dis pas qu'il y a des exactions, mais partout il y a des exactions.